Chapitre 5e. Ça avait été un grand point pour Madame de Mussidan d'empêcher sa fille d'aller en pension. Mais il y en avait eu un autre qui, à mesure que la petite se rapprochait de ses 10 ans, l'avait de plus en plus préoccupée. C'était à 10 ans, en effet, que Mademoiselle de Puylaurens voulait se charger de sa petite nièce pour la faire instruire dans un couvent de son choix, et rien n'indiquait qu'elle eût renoncé à ce projet. Bien qu'elle n'écrivît jamais à M. de Mussidan, bien qu'elle ne répondît même plus aux lettres que Sébastien et Frédéric continuaient de lui adresser à chaque instant pour lui demander un secours dont ils avaient absolument besoin sous peine du déshonneur et peut-être de la mort, elle n'avait pas cessé de donner des marques d'intérêt à Geneviève qui prouvaient qu'elle pensait à elle. Au 1er janvier, des étrennes, une pièce d'argenterie à l'usage d'un enfant, un bijou, à sa fête, un cadeau, bien que cette fête suivit de près le 1er janvier. À l'anniversaire de sa naissance, un autre cadeau, enfin, de temps en temps et sans date fixe, des envois de toutes sortes, un agneau aux environs de Pâques, dans l'été des fruits, prunes, raisins, dans l'hiver des marrons, avec une caisse de vin de Casséguet. Puisque Mademoiselle de Puylaurens pensait si souvent à Geneviève, n'était-il pas supposé qu'elle n'oublierait pas son engagement? Cela paraissait d'autant plus vraisemblable que, fâchée avec ses neveux, elle devait vouloir reporter sur sa nièce son affection et ses espérances. Bien souvent, Madame de Mussidan avait agité la question de savoir s'il était ou n'était pas de l'intérêt de Geneviève que cet engagement fût exécuté, pesant le pour et le contre. Sans doute Geneviève recevrait dans le couvent où sa tante voulait la placer une instruction qu'on ne pouvait pas lui donner dans la famille. Mais cela était-il le meilleur pour elle? Ses frères avaient reçu chez l'abbé Quentin l'instruction la plus soignée et la plus brillante. À quoi cela leur avait-il servi? N'eût-il pas mieux valu pour eux qu'ils eussent été élevés dans des habitudes d'ordre et de régularité? D'un autre côté, et en admettant que cette éducation du couvent fût bonne pour elle, on devait se demander comment elle accepterait la vie de couvent. Si déjà elle avait été malade lorsqu'il avait été question de la mettre en pension tout simplement quelques heures par jour, que se passerait-il lorsqu'il s'agirait d'une véritable séparation? Était-il sage, était-il prudent de l'exposer à un pareil danger? C'était cela qu'elle devait examiner et peser, et cela seule, en mettant le reste de côté. Dans une aussi grave circonstance, elle ne devait avoir souci que de sa fille, de son intérêt, de son bonheur, de sa santé, de son avenir, en écartant les autres et elle-même. Il ne s'agissait pas de Mademoiselle de Puylaurens et de la satisfaction ou de la déception qu'elle éprouverait à avoir ou n'avoir pas sa nièce, et il ne s'agissait pas non plus des résultats que cette satisfaction ou cette déception pourrait exercer sur son testament. Dieu merci, elle n'avait pas gagné la maladie des Mussidan, cette terrible manie de l'héritage qui les avait affolés et paralysés. De même, il ne s'agissait pas non plus de la douleur qui l'accablerait en se séparant de son enfant, qui était sa vie même. Elle l'aimait assez, cet enfant, pour se sacrifier à son bonheur. Il ne s'agissait que de Geneviève. Longtemps elle hésita, d'autant plus tourmentée qu'elle ne pouvait parler à personne de ses angoisses. Décidée à laisser partir sa fille quand elle la voyait dans une période de bonne santé, décidée au contraire à la garder près d'elle quand elle la voyait un peu pâle ou qu'elle lui trouvait le plus léger bobo. Que deviendrait-elle? Qui la soignerait? Qui la surveillerait? Il n'y avait pas que son état physique à surveiller en elle, il y avait son état moral, et avec une nature tendre comme la sienne, un cœur sensible, un caractère impressionnable comme les siens, cela était autrement grave. Alors elle se disait que si Mademoiselle de Puylaurens avait été une parente ordinaire, sans sa grande fortune, une tante à elle par exemple, elle n'aurait pas eu toutes ces hésitations, et qu'elle aurait très nettement refusé de lui donner sa fille. Si elle balançait ainsi, c'était donc que cette fortune la corrompait. N'était-ce pas lâche et misérable? Les leçons, les exemples qu'elle avait sous les yeux étaient donc sans influence sur elle? Cependant, quoi qu'elle se dit et se répéta tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, les choses auraient peut-être traîné longtemps ainsi sans qu'elle s'arrêtât un parti, si un jour, en rentrant de sa promenade, M. de Mussidan n'était pas monté tenant une lettre à la main. « Savez-vous de qui est cette lettre que je viens de recevoir ? » dit-il d'un ton furieux. « Comment l'aurait-elle su ? » Elle ne répondit pas. « De Mademoiselle de Puylaurens, savez-vous ce qu'elle me dit ?» Elle avait pour habitude d'être d'une extrême prudence avec son mari, ne sachant jamais si elle n'allait pas le contrarier. Elle ne répondit rien, et comme Geneviève allait de ça et là, elle lui fit signe de rester tranquille pour ne pas agacer son père. « Elle me demande Geneviève !» Au reste, la lettre est trop curieuse pour que vous ne la lisiez pas. Et il se mit à la lire lui-même. Mademoiselle de Puylaurens se rappelle à M. le comte de Mussidan qu'elle a pris l'engagement de faire élever la petite Geneviève quand celle-ci aurait atteint sa 10e année. Le moment est venu de remplir cet engagement. En conséquence, Mademoiselle de Puylaurens se rendra à Paris à la fin du mois prochain afin de prendre sa petite nièce et de la ramener à Cordes avec elle. Son intention, en effet, est de faire élever l'enfant sous ses yeux par une institutrice particulière. « Que pensez-vous de cela ? » s'écria-t-il. Mais elle était trop profondément émue pour trouver un mot à répondre. Lui prendre sa fille, l'emmener à Cordes, elle n'entendait que cela. Elle n'était sensible qu'à cela, et aussi à l'étreinte nerveuse de sa fille, qui, en écoutant la lecture de cette lettre, était venue à sa mère, et lui ayant pris la main, la lui serrait passionnément, comme pour lui dire « Je te tiens, tu ne m'abandonneras pas, on ne m'enlèvera pas. » « N'est-ce pas prodigieux ? » continua-t-il. « Pas un mot de moi. Cette vieille fille est un monstre d'égoïsme. Quel horrible défaut ! Est-ce qu'elle s'imagine que ma fille lui appartient ? Ma fille est à moi. Et puis qu'est-ce que c'est que cette institutrice particulière ? Quelle éducation donnera-t-elle à ma fille ? Je n'en sais rien, moi, pas un mot de moi. » Au milieu des éclats de voix de M. de Mussidan, ce qu'on entendait à peu près distinctement, c'était « moi, toujours moi, rien que moi ». Mais elle n'écoutait pas. De leurs mains jointes, elles s'étreignaient, et dans leur esprit, dans leur cœur, il n'y avait qu'une pensée, le départ. Il fallut se mettre à table, cependant. Et comme ni la mère ni la fille ne mangeaient, M. de Mussidan se fâcha. « Je mange bien, moi. Moi, à qui l'on fait l'injure. Mangez donc. Allez-vous exciter ma colère par votre mauvaise humeur ?» Madame de Mussidan fit semblant de manger, mais Geneviève n'avait pas la docilité voulue de sa mère. « Je n'ai pas faim, » dit-elle. « Pourquoi n'as-tu pas faim ?»« Parce que je ne veux pas partir. »« Tu ne veux pas ? C'est à moi de vouloir, non à vous, mademoiselle. Mangez, qu'est-ce que c'est que cette petite bête ?» Mais au lieu de manger, elle fondit en larmes en se jetant sur sa mère. Alors il s'écria « Quelle vie que la mienne ! Je ne peux même pas dîner en paix. Faites taire votre fille, madame, ou je quitte la table. Voulez-vous donc me donner une mauvaise digestion ?» Mais ce ne fut pas lui qui quitta la table, ce fut madame de Mussidan qui enleva Geneviève, qu'elle ne pouvait pas calmer. Elle la porta dans sa chambre et la déshabilla pour la coucher, l'embrassant, lui disant de douces paroles. « Promets-moi que je ne partirai pas, » disait l'enfant. « Promets-le-moi, maman. » Et en répétant sans s'arrêter ce mot « maman », elle ne cessait de pleurer et de sangloter, ne voulant pas lâcher le cou de sa mère. « Il faut que je parle à ton père, » disait celle-ci. « Promets-moi d'abord, tu lui parleras ensuite. Tu vois bien qu'il est fâché contre ma tante. » Que M. de Mussidan fût fâché aujourd'hui contre Mademoiselle de Puylaurens, cela ne signifiait pas que demain il ne céderait pas à sa demande. Chez lui, la question de l'héritage dominait tout. Il ne pouvait pas savoir s'il ne considérerait pas le séjour de Geneviève auprès de Mademoiselle de Puylaurens comme favorable à la réalisation de ses espérances. Dans ce cas, il faudrait que Geneviève allât à Cordes. Dût-il la conduire lui-même ? Sans qu'il eût jamais daigné s'expliquer avec elle, il ne lui avait pas fallu bien longtemps pour deviner quelles étaient ses espérances. Jouir du revenu de la fortune que Mademoiselle de Puylaurens laisserait à Geneviève. Si Geneviève allait à Cordes et faisait la conquête de sa tante, comme cela était probable, celle-ci ne l'avantagera-t-elle pas dans son testament au détriment de ses neveux Sébastien et Frédéric qui lui avaient causé tant de chagrin ? Si ces avantages avaient lieu, la part de Geneviève se trouverait grossie d'autant et par conséquent ses revenus, dont son père espérait jouir, grossirait aussi. Quelle influence un pareil calcul ne pouvait-elle pas exercer sur sa détermination ? Cependant, si peu rassurée qu'elle fût en présence d'une pareille situation, il fallut qu'elle fît à sa fille la promesse que celle-ci implorait si désespérément. « Promets-moi, maman !»